Pro. Black Prodigy MC. Ici c'est DOC AKA Ziggy. Afro. Black Prodigy MC. Ici c'est DOC AKA Ziggy. C'est la première balle qui parle DOC TMC. Touché. Aïe Bobo. Le G revient tranquille. Le G a toujours du style. Le G n'est pas un gangster, mais il a la gâchette facile. Qui nous sera utile qu'à l'état de cadavre.